إن الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence maintenant le cours numéro 118 dans l'explication du livre التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. Le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On est arrivé à l'endroit dans le livre où Cheikh al-Fawzan, il dit, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va citer les versets 93 à 97 dans Surat al-Tawbah. Il dit, ولهذا قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. Donc ça c'est le verset 97. Ensuite il dit وذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه بالتخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله التوبة. Donc ici le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne donc tous ces versets et il dit donc on va traduire en premier les versets en question. Dans Surat al-Tawbah, le premier verset que le Cheikh il a cité, donc c'est le verset 97. Naam. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des bédouins. On avait parlé de ça il y a quelques cours en arrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les bédouins sont plus endurcis dans leurs impiétés, c'est-à-dire dans leur kufr. الأعراب أشد كفرا qui sont plus forts ou plus durs dans leur kufr ونفاقا et dans leur nifaq, dans leur hypocrisie, et plus enclins à méconnaître les préceptes que Allah a révélés à son messager وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. Donc plus enclins à être ignorant et à ne pas connaître ni les règles de la religion et les préceptes que Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Et le Cheikh, il par la suite, il revient en arrière pour expliquer les versets qui ont été cités avant ce verset-là. Donc il recule ou il retourne jusqu'au verset 93. Il dit avant ce verset-là, voici ce qui était mentionné. Et donc, il commence à partir du verset 93, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, on va lire 93 jusqu'à 97. D'accord ? C'est-à-dire tous les versets qui ont été mentionnés avant 97. Allah subhanahu wa ta'ala dit à partir du verset 93 ce qui signifie « Il n'y a de voie de reproche à vraiment que... il n'y a de voie de reproche vraiment que contre ceux qui demandent d'être dispensés, c'est-à-dire dispensés de sortir pour le djihad à la bataille de Tabouk, alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de rester avec celles qui sont restées derrière, c'est-à-dire les non-combattants, les femmes, les personnes âgées, les handicapés, et ainsi de suite. Et Allah a scellé leur cœur et ils ne savent pas. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Après la bataille de Tabouk, quand ils reviennent de l'expédition, ils viennent et ils présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis au Muhammad, à ces hypocrites, ne présentez pas d'excuses. Nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. Allah verra votre œuvre ainsi que son messager, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah, en parlant des hypocrites, ils vous feront des serments par Allah, ils vont jurer par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, afin que vous passiez sur leur tort, c'est-à-dire que vous vous détourniez d'eux. Alors détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Et après avoir mentionné ça, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il parle des bédouins. Parce que les versets qui ont été mentionnés avant, c'était à propos des hypocrites, qui étaient à Médine. Maintenant il mentionne par rapport aux bédouins, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'extérieur de la ville. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est à ce moment-là qu'il dit, les bédouins sont plus endurcis dans leur coffre, dans leur nifaq, et plus enclins à ne pas connaître les préceptes et les règles que Allah a révélées à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Donc le cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les munafiqin qui ont demandé la permission de rester derrière et de ne pas partir au combat dans la bataille de Tabouk, et qu'il les a blâmés de ne pas être partis. Donc ceux-là, c'était les habitants de Médine. Puis après, il mentionne à propos des bédouins, que les bédouins sont plus durs dans leur kofr et dans leur nifaq, et plus enclins à ne pas connaître les règles que Allah a révélées à son messager. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce passage-là. Il dit, الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يقرر أن العبرة بجنس الحاضرة وجنس البادية من ناحية المدح والذم وليست العبرة بمجرد المواطن وإنما العبرة بأهلها وسلوك أهلها ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وذمهم على ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الأعراب فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فذكر شر الصنفين من الحاضرة ومن البادية مما يدل على أن الحاضرة لا تمدح مطلقا وأن البادية لا تذم مطلقا وأن في كلا الموضعين من هو من الأخيار ومن هو من الأشرار كذلك. Donc le cheikh ici il explique maintenant que la raison pourquoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ces versets là maintenant, c'est pour faire comprendre que qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Ce n'est pas le fait que quelqu'un soit parmi les gens qui fait partie des habitants des villes, parmi les citadins, ou parmi les gens de la campagne, ou des gens du désert, les bédouins, les nomades, hein, par rapport à ce qui est relié à la glorification ou au blâme. Parce que c'est pas ça qui est déterminant, hein, par rapport ou face à la glorification ou au blâme. Mais plutôt, c'est de prendre en considération le comportement et l'attitude et la conduite de chacun des deux, que ce soit les habitants des villes ou l'habitant, hein, du désert. Et c'est pour cette raison-là que le cheikh, il a cité les versets dans lesquels on voit que les habitants, hein, de la ville, parmi ceux par exemple qui avaient refusé de partir pendant l'expédition de Tabouk avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ont été blâmés, de même que par la suite les bédouins eux aussi ont été blâmés, c'est-à-dire ceux parmi les bédouins qui avaient cette caractéristique-là, la caractéristique du kufr et du nifaq, et de ne pas chercher à connaître les règles de la religion d'Allah qui ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il explique et il dit que dans les deux groupes, dans les deux catégories, les gens de la ville et les bédouins, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le mal dans les deux groupes, et c'est ce qui prouve que ce soit le cheikh dit, donc ça c'est ce qui prouve que on ne va pas glorifier les gens de la ville de façon absolue, et on ne va pas non plus blâmer les bédouins de façon absolue. Mais que dans les deux groupes, il y en a qui sont parmi les meilleurs, et il y en a d'autres qui sont parmi les pires. D'accord? Ensuite, le shaykh, il dit, فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ أَصْلَهُ وَفَصْلَهُ مُنْحَصِرٌ فِي الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن ونقيض العلم عدمه فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا من أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة. Donc le cheikh, il dit, donc tout le bien à la base et dans les détails, il se limite à la question de la science et de la foi. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 11 dans sourate Al-Mujadala, hein, qu'il élève ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu la science en degré, hein, il élève, Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré ceux d'entre vous qui ont reçu, qui ont cru et qui ont reçu la science, et il dit également dans le verset 56 dans sourate Ar-Rum, et ceux qui ont reçu la science et la foi ont dit, hein, il mentionne donc ce verset. Et il dit donc le contraire de la foi, c'est soit le kufr apparent ou le nifaq qui est caché. Et le contraire de la science qui est l'absence de science, hein, le fait de ne pas avoir de science, c'est-à-dire l'ignorance. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des bédouins justement qu'ils sont plus durs, hein, ils sont plus durs dans leur coffre, dans leur mécréance, que les gens de Médine, que les habitants de la ville de Médine, parmi les hypocrites, et plus enclins à ne pas connaître les règles du Coran et de la Sunna. Donc ils ont les deux caractéristiques, hein, ceux parmi les bédouins qui sont des munafiqines et qui ne croient pas, donc ils ont ces deux caractéristiques-là, le kufr, hein, l'absence de foi, et également l'ignorance des règles de la religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ça, il dit: فَالْمَدْحُ وَالذَّمْ إِنَّمَا هُمَا لِلْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَنَقِيدِهِمَا فَنَقِيدُ الْعِلْمِ الْجَهْلِ وَنَقِيدُ الْإِيمَانِ الْكُفُرُ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمَدْحُ وَالذَّمْ إِنَّمَا هُمَا عَلَى الْأَوْصَافِ وَالْأَفْعَالِ لا على مجرد الأسماء لهذا الغرض ذمت البادية لأنه يغلب على أهلها الجفاء ويغلب على أهل الحاضرة الإيمان العلم والإيمان وهذا في الجملة وإلا فقد يكون فردا من البادية يتمتع بالعلم والتقوى وقد يكون آخر من أهل الحاضرة وفيه جفاء وغلظة وقلة علم. Donc le cheikh il explique que la glorification et le blâme, donc la glorification et le blâme sont yani par rapport à la science d'une personne et à sa foi, ou le contraire, hein, le contraire, c'est-à-dire la mécréance et l'ignorance. Et donc, c'est ça ce qu'il explique. Et il dit ensuite que le contraire de la science, c'est l'ignorance, et le contraire de la foi, c'est la mécréance, al-kufr. Et il dit, cela signifie que la glorification et le blâme doivent uniquement ou sont uniquement reliés à ses caractéristiques et à ses actions, et non uniquement aux noms, hein, qui sont donnés aux gens. Par exemple, le nom de citadin, ou d'être bédouin, ou d'être arabe, ou d'être non-arabe. C'est pas là-dessus que se base la glorification ou le blâme. C'est sur le fait d'être mu'min, ou d'être alim, d'être mu'min et alim, d'avoir la science et d'avoir la foi, ou d'être jahil, être kafir et jahil, d'être mécréant et ignorant. Non, donc le cheikh maintenant il dit ensuite, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit wal hudud hiya hudud al asma al madhkura fi ma anzala Allah min al kitab wal hikma mithl hudud al salat wal zakat wal sawm wal hajj wal mu'min wal kafir والزاني والسارق والشارب وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه وما يستحقه أو وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. Donc le cheikh il explique, il dit que Al-Hudud, le terme Hudud en arabe, c'est le pluriel du mot Had. Le terme Hudud, c'est le pluriel du mot Had. Et on l'utilise pour différentes significations. Parmi les différentes définitions, comme le Cheikh, on va le lire dans l'explication du Cheikh Al-Fawzan après, mais ça peut vouloir dire les ordres, les règles de la religion, ça peut vouloir dire les peines, les châtiments, les punitions, et ça peut vouloir dire les définitions aussi. Et donc ici le cheikh il explique que les hudud, comme dans le verset, hein, le verset 97 dans surat At-Tawbah qu'on a lu tout à l'heure, quand Allah il dit wa ajdar an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih, ajdar an la ya'lamu hudud ma حدود ما أنزل الله على رسوله. Donc الحدود, il dit le cheikh que الحدود c'est les noms mentionnés dans la révélation, hein, les noms mentionnés par rapport à ce que Allah a révélé dans le Coran et dans الحكمة. القرآن من الكتاب والحكمة. الحكمة c'est la sunna, Donc les règles ou la définition et les limites des noms qui sont mentionnés dans ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna, comme par exemple les limites de la salat. Qu'est-ce que ça veut dire, la salat? Qu'est-ce que c'est la définition de la salat et les règles de la salat? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les règles de la zakat, les règles du jeûne, les règles du hajj, et la définition et les règles de ce qui a rapport avec le croyant, le mécréant, celui qui fait l'adultère, celui qui boit de l'alcool, celui qui vole, et ainsi de suite. Donc il y a des règles qui sont reliées à ces noms-là. Et le cheikh, il dit, le but de connaître ces définitions-là et ces règles-là, c'est de savoir qui mérite c'est-à-dire de savoir qui mérite ces appellations légales et religieuses de ceux qui ne les méritent pas. وَمَا تَسْتَحِقُهُ مُسَمَّيَاتُ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ مِنَ الْأَحْكَامِ. Et ce que ces appellations méritent comme règles, ce que ces appellations, ou bien ce que les appellations de ces noms méritent comme règles et comme jugements. Donc ça, c'est important de connaître ça. Et le cheikh Al-Fawzan, il va maintenant clarifier un peu plus ou donner des exemples par rapport à ça. Donc il dit, le cheikh, الحدود في كتاب الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول حدود الله بمعنى أوامره ونواهيه وما أحله وما حرمه، فقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهذا في المباحات ولا تتعدى إلى المحرمات. القسم الثاني حدود الله بمعنى محارم الله سبحانه وتعالى كالكفر والشرك والفسوق والمعاصي وشرب الخمر والزنا والسرقة، فالله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا كانت الحدود يراد بها المحرمات، فإن الله قال فلا تقربوها، يعني لا تقربوا الوسائل التي تفضي إليها، أي اتركوا الأسباب المفضية إليها. وهذا من أسباب سد الذرائع، أو هذا من باب سد الذرائع. فإذا كان منهيا عن الوسائل التي تفضي إليها فكيف بفعلها هي؟ هذا لا شك، هذا لا شك أشد. واليوم هنا من ينكر قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة شرعية مجمع عليها. Donc on va expliquer les deux premières explications. Le cheikh, il explique que le terme hudud dans le livre d'Allah est de trois catégories. Donc il y a trois catégories de choses qui peuvent être appelées hudud par rapport au Coran. Il dit la première catégorie, hududullah, dans le sens des ordres et des interdictions. Ce que Allah a rendu licite et ce qu'il a rendu illicite, ce qu'il a déclaré halal et ce qu'il a déclaré haram. Et il dit dans le verset 229, il cite le verset 229 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans sourate Al-Baqarah, tilka hududullah fala ta'taduha. Voici les règles d'Allah ou les limites d'Allah, les ordres et les interdictions d'Allah. Alors ne les transgressez pas. C'est-à-dire les choses que Allah a rendues licites, ne les dépassez pas vers ce qui était licite. Et le cheikh, il dit comme deuxième catégorie par rapport au terme hudud, hududullah bima'na maharimillah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut également utiliser le terme hudud en parlant des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses interdictions, dans le sens de ce qu'il a interdit, comme le kufr, le shirk, la perversité, les péchés, le fait de consommer de l'alcool ou de faire le zina, la fornication ou l'adultère, as-sariqa, c'est-à-dire le vol, le vol. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne par rapport à cela le verset 187 dans sourate al-Baqarah, dans lequel il dit: voici les limites d'Allah, alors ne les approchez pas, ne vous en approchez pas. Fala taqrabuha. Et donc ici le cheikh il dit, si on veut dire par le terme hudud qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui fait partie des choses haram, eh bien dans ce cas-là, quand on dit ne vous en approchez pas, cela signifie de s'abstenir même des moyens qui peuvent nous amener, ou des causes qui peuvent nous amener à tomber dans ce qui est interdit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voici les hudud, c'est-à-dire les interdictions d'Allah, alors ne vous en approchez pas. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'interdiction de s'en approcher, c'est-à-dire de s'approcher de l'interdiction de s'approcher de ce qui est haram. Donc ça veut dire que tout moyen ou toute cause qui peut amener quelqu'un à tomber dans ce qui est haram, eh bien ça devient haram aussi, même si la chose à la base n'est pas haram en elle-même. C'est-à-dire, le cheikh il explique en disant que ce verset, فَلَا تَقْرَبُوهَا, ne vous en approchez pas, eh bien il dit que ça signifie ne délaisser les causes et les moyens qui amènent au péché. Cesser de faire les causes ou les moyens qui amènent au péché, et c'est le principe qu'on appelle en arabe, dans les règles de l'islam et dans les principes de la charia, on l'appelle سَدُّ الذَّرَائِعَ. Le fait de saddu dhara'i, c'est-à-dire fermer les portes, barrer les portes, ou d'empêcher d'arriver à ce qui est haram. Donc le cheikh il dit, ça veut dire que si une chose si une chose, il est interdit de faire les causes ou les moyens qui nous y amènent, alors que dire de faire le péché lui-même ou la chose elle, qui est interdite en elle-même. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est plus grave. Et comme par exemple, on pourrait dire que par exemple, on pourrait dire que le zina, l'adultère, c'est haram. Donc si tu sais que par exemple d'aller dans un endroit où il y a de la mixité, où il y a des gens qui s'assoient avec les femmes et qui parlent avec les femmes, que ça peut être un moyen qui peut t'amener à tomber dans le zina, donc dans ce cas-là, d'aller dans cet endroit-là, c'est haram en soi. Même c'est haram par conséquent, parce que ça peut t'amener à ce qui est haram. Et ça, c'est une règle qu'on appelle Sadd al-Dhara'i'. Et donc, c'est une règle qui est établie, c'est-à-dire, les ulama sont d'accord sur cette règle-là, et sur ce principe-là, dans la charia. Malgré qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui cherchent à essayer de rejeter ou de nier cette règle, elle est pourtant, il y a pourtant un consensus à son sujet. Cheikh il dit ensuite, wa al-qism al-thalith hudud Allah bima'na al-uqubat al-muqaddara shar'an ala jara'im tamna'u min al-wuqu' fi mithliha, mithlu حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. فالأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه الحدود كلها مما أنزل الله على رسوله في كتابه، فهم أقل فهما لها من غيرهم، ومنهم من ينكر قاعدة سد الذرائع، وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن ومعرفة ما افترضه الله من فرائض وما حرمه من محرمات فهم أيضا أجدر أن لا يعلموا كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك فهم أقرب إلى الجهل بهذه الأمور بحكم أنهم يعيشون في البادية بخلاف أهل الحاضر فإن الحاضرة كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء وفيهم المساجد والدروس والمحاضرات فساكنها أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادية ولهذا ينهى عن التعرب وترك الهجرة إلى الحاضرة والتفقه في الدين في دين الله لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc le cheikh il explique, il dit donc que la troisième définition du terme hudud, quand on parle des hudud Allah, des limites d'Allah, eh bien c'est ici les châtiments qui ont été prédéterminés par la charia pour des crimes spécifiques, pour empêcher que ces crimes se produisent ou des crimes semblables se produisent. Comme par exemple la peine pour la fornication et l'adultère, pour le vol, ou bien pour le fait qu'une personne ait bu de l'alcool et soit ivre, il y a des peines dans la charia pour ça. Donc ça c'est une autre signification du terme hudud. Le cheikh il dit ensuite que les bédouins sont donc plus proches d'ignorer les hudud dans toutes ces catégories-là qu'on a mentionnées, les trois catégories. Que ce soit dans les ordres et les interdictions, que ce soit dans les interdictions, et que ce soit dans les châtiments. Et le cheikh, il dit, ils ignorent donc ces différentes catégories de hudud, et ils ignorent donc ce que Allah a révélé à son messager dans son livre. Donc, ils ont donc moins de compréhension que les autres, par rapport à ces règles-là, et il dit que parmi eux, certains vont même jusqu'à nier la règle qu'on appelle sadd al-dhara'i', c'est-à-dire le fait de fermer la porte aux causes qui amènent au péché, et il dit que la raison de cette ignorance de leur part, c'est à cause de leur éloignement d'avoir écouté le Coran et de connaître les différentes sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et leur ignorance de ce que Allah a ordonné comme obligation et ce qu'il a interdit comme interdiction et la compréhension également. Donc ils sont loin de la connaissance. Ils sont loin de la connaissance et ils sont plus enclins à ne pas connaître comment établir les obligations comme la salat, le jeûne, le hajj. Pourquoi? Parce que ils sont plus proches d'être ignorants de ces règles-là et de ces adorations-là et de ces principes-là parce qu'ils habitent dans le désert. Ils habitent loin de la ville. Contrairement aux gens qui habitent dans la ville, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam habitait lui-même dans la ville, ainsi que les ulama, ils habitaient dans la ville. Alors, ils étaient proches du prophète, ceux qui habitaient dans la ville avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient proches du messager, ils étaient proches des sahaba qui avaient de la science, ils étaient proches des mosquées, ils étaient proches des enseignements, des cours, des conférences ou des explications. Donc, celui qui se rapproche plus de la ville et qui habite à l'intérieur de la ville où il y a de la science, il va apprendre plus facilement et connaître plus les règles de la religion que celui qui habite dans le désert ou dans la brousse ou dans la campagne ou loin des endroits des centres d'enseignement et d'éducation et de connaissances. Et c'est pour cette raison-là que on interdit de s'éloigner ou d'adopter le mode de vie de bédouin. Il dit at-ta'arrub, c'est-à-dire le fait de quitter les villes pour aller vivre dans le désert. C'est quelque chose qui est interdit. Si quelqu'un il n'est pas bédouin, il n'a pas le droit de quitter la ville pour dire « Bon, moi, je vais devenir bédouin, je vais devenir nomade, je vais aller vivre dans le désert. » Non. Et également, il est interdit également d'abandonner la hijra vers les villes, hein, et de chercher la science de la religion. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la preuve de ça, c'est dans le verset 122, dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde ?» Ensuite, le cheikh, il explique un hadith, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, wa lihada, روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو موسى عن وهب ابن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن ومن أتى السلطان افتتن. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud et d'autres également, et c'est un hadith rapporté par l'imam al-Thawri. Il est également rapporté par Ibn Majah et al-Tirmidhi et al-Nasa'i. Et dans ce hadith qui est rapporté par al-Thawri, qui dit, Abu Musa nous a dit, selon Wahb ibn Munabbih, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sufyan al-Thawri qui a rapporté le hadith, il a dit une fois, la a'lamu illa anin nabi, je ne le connais que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque habite dans le désert, il habite dans Al-Badia, il devient rude, son comportement devient rude. Il dit, et quiconque man ittaba al-sayd, celui qui va dans la brousse ou dans la nature pour aller à la chasse, celui qui va toujours suivre la chasse pour chasser des animaux, il devient insouciant. Et celui qui rentre chez le dirigeant, il est éprouvé, il est tenté. Et le cheikh, il cite ce hadith-là, et Cheikh Al-Fawzan, il fait l'explication maintenant de chaque point de ce hadith-là. Il dit, الشاهدُ في هذا قوله من سكن البادية جفا أي صار من الأعراب الذي من طبعهم غلظ القلوب وقساوتها فلا يرق لمعروف أو لصلة رحم وفي هذا دليل على ما سبق ذكره من أن البادية في الغالب تكون سببا للجفاء لأنها أبعد عن العلم وعن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الجهل فلذلك ذمت البادية وذم التعرب ولهذا قال من سكن البادية جفا ومفهومه أن من سكن الحاضرة كان أقرب إلى معرفة الحق فالبيئة لها تأثير على من أقام فيها. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut tiré comme point dans ce hadith-là, c'est la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du fait que d'habiter dans le désert et d'adopter le vie nomade, eh bien, le mode de vie de nomade, ça rend rude, dur. Ça fait que la personne devient rude et dure. Et il explique que celui qui devient nomade ou bien qui devient bédouin, si on veut, et il dit que leur tempérament, c'est la dureté des cœurs. Hein? Ils ont un cœur dur. Et ils ne vont pas être amadoués ou bien touchés dans leur cœur par rapport à un bien quelconque ou par rapport au fait de garder le lien de parenté. Il dit, et ça c'est la preuve de ce qu'on a mentionné plus tôt, que en général, la personne qui habite dans le désert ou bien en dehors des villes, il devient dur. Hein? C'est une cause de la dureté de la personne. Et il dit le cheikh que également parce qu'il est plus loin de la science et de la connaissance des règles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de l'ignorance, et c'est pour cette raison que le fait d'être bédouin ou d'adopter le mode de vie bédouin a été blâmé, hein, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque habite dans le désert ou bien dans la brousse, en dehors de la ville, de façon générale, devient dur. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que celui qui habite dans la ville est plus proche de la connaissance de la vérité, et donc le milieu dans lequel on vit a une influence sur la personne qui habite dans cet environnement ou dans ce milieu-là. Et dans les cours précédents, hein, on avait expliqué que ça, c'est les règles générales. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des différences ou des exceptions pour certains cas. Parce que tu peux avoir des gens dans certaines villes qui sont complètement ignorants. Surtout lorsque l'ignorance est propagée et que les gens sont corrompus. Donc le cheikh, il avait mentionné cette parenthèse-là. Maintenant, la deuxième partie du hadith, « Wa qawluhu man ittaba'a as-sayd ghafala » Il dit le cheikh, حيث يكون ديدنه دائما ملاحقة الصيد في البراري وهذا من شأن من هذا من شأنه أن يشغله عن بعض الواجبات لكن الخروج للصيد أصله مباح بشرط أن لا يشتغل عما أو بشرط أن لا يشغل عما هو أهم منه ولكن مع هذا من أكثر منه فإنه يغفل عن الفقه في الدين فلذلك على الإنسان أن لا يكون منهمكا في الصيد وإنما يخرج إلى الصيد أحيانا وبمقدار لأن لا يغفل عن مع الغافلين. Donc le cheikh il dit, tandis que celui qui part toujours à la chasse, il devient insouciant. Le cheikh il dit, parce que celui qui a pris l'habitude de toujours partir à la chasse, hein, dans la nature pour aller chasser, eh bien, il va être distrait et préoccupé par rapport à certaines de ses obligations. Hein? Il dit à la base, le fait de sortir pour chasser, c'est pas interdit, c'est permis à la base, mais à condition que cela ne te préoccupe pas de ce qui est plus important que la chasse. Il dit par contre, celui qui sort constamment ou trop à la chasse, eh bien, il va être insouciant de l'apprentissage, de la compréhension de sa religion. Et c'est pour cette raison qu'une personne ne doit pas s'adonner de façon exagérée à la chasse. Mais s'il sort de temps en temps et selon une période raisonnable, il n'y a pas de mal à ça pour qu'il ne devienne pas insouciant comme les insouciants. Ensuite, l'autre partie du hadith, wa qawluhu, wa man ata as-sultan iftutin alladhi ya'ti as-sultan ala qismayn. Qismun ya'tihi lin-nasihati wal-maw'izati wa bayan al-haqq, fa hadha amrun matlubun, bal huwa wajibun, li'annahu min bab ad-din, min bab ad-da'wati ila Allah, wa min bab at-ta'awuni ma'a wulati al-umuri 'ala al-birri wat-taqwa. ومن باب النصيحة لأئمة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة مطلوبة وأهمها النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم فهذا الإتيان محمود لأن القصد منه الخير والتوجيه والدعوة إلى الله ومصلحة الناس وفيها مصلحة السلطان ومصلحة الرعية لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية والسلطان بشر قد يغفل عن بعض الأمور وقد لا يبلغه بعض ما يقع أو كثير مما يقع في الرعية فهو بحاجة إلى أن يزار ويناصح ويبين له ويبلغ. Donc le cheikh il explique, il dit, en ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui dit celui qui rentre chez le dirigeant il va être éprouvé ou bien il va être testé ou tenté. Eh bien ici le cheikh explique que le fait d'aller voir les dirigeants c'est divisé en deux catégories. La première catégorie c'est d'aller voir le dirigeant dans le but de lui faire le bon conseil et de l'exhorter et de lui clarifier la vérité. Et ça c'est une chose qui est exigée et même obligatoire car ça fait partie de la da'wa d'inviter à Allah et ça fait partie de la collaboration dans le bien avec les dirigeants et dans la piété et dans le but de donner le bon conseil aux dirigeants des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith la religion c'est le bon conseil et la sincérité. On a dit envers qui ô messager d'Allah? Il a dit envers Allah et son livre et son messager et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Donc la nasiha elle est exigée dans l'islam et la plus importante de toutes les formes de nasiha c'est la nasiha qu'on peut donner aux dirigeants des musulmans et aux musulmans en général. Et ça c'est une chose qui est louable d'aller les voir dans le but de leur faire la nasiha, dans le but de leur faire connaître le bien, de les orienter, de les inviter à Allah. Il y a dans ça également un bienfait pour les gens en général, parce que dans le fait qu'il y ait un bien pour les dirigeants, il y a un bien pour la population aussi. Pourquoi? Parce que si le dirigeant est bon, eh bien ça va aider à faire en sorte que la population soit bonne aussi. Et donc le cheikh il dit le dirigeant est un être humain. C'est possible qu'il ignore certaines choses ou qu'il soit insouciant par rapport à certaines affaires. Peut-être que certaines informations ne lui parviennent pas, et certaines choses qui se produisent, peut-être qu'il les connaît pas, Et beaucoup de choses qui arrivent dans la population, il les ignore. C'est pour cette raison-là qu'il a besoin qu'on le visite et qu'on lui donne le bon conseil et qu'on lui clarifie et qu'on lui transmette les choses. Donc ça, c'est la première catégorie de ce qui a rapport avec le fait de visiter les dirigeants et d'aller chez les dirigeants. Et la deuxième catégorie, wa alaykum salam wa rahmatullah, le cheikh il dit al-qism al-thani ziyaratu al-sultan li ajli al-tamalluq wal-mujamala aw talab al-dunya duna nasihatin wa duna bayan wa hadhihi madhmuma wa hiya tab'ath 'ala al-fitna li'annahu qad yujamilu as-salatin ولو كانوا على غير طاعة من أجل طمع في أمور الدنيا وفي هذا فتنة في الدين وفتنة على الزائر لأن الغالب على السلاطين والملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات فإذا أتاهم هذا الإنسان ولم يبين لهم ولم ينصحهم وجاملهم وتساهل في دينه فإنه يكون قد افتتن في دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله فليس من معنى قوله من أتى السلطان افتتن الذم على الإطلاق بل لا بد من هذا التفصيل. Donc le cheikh dit la deuxième catégorie c'est le fait de visiter les dirigeants dans le but de dans le but de faire qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tamalluq, c'est-à-dire de vouloir faire de la complaisance, d'être complaisant envers eux et de vouloir les flatter, de vouloir les flatter, de rechercher d'eux de la dunya et des choses de ce bas monde, sans leur donner le bon conseil, sans leur clarifier quoi que ce soit. Et donc dans ce cas-là, cette visite des dirigeants est blâmable et elle amène à la tentation et à la fitna, à la fitna dans la religion. Parce que quelqu'un qui va aller voir les dirigeants dans le but de les flatter, hein, dans le but de faire de la complaisance avec eux, hein, si celui-ci est sur autre que l'obéissance, et s'il y va pour rechercher des choses de la dunya, hein, eh bien il va avoir une épreuve dans sa religion, une fitna dans sa religion, et ce sera une fitna pour la personne qui le visite, hein. Et il dit parce que la majorité des dirigeants et des rois, ils ont des dépassements ou une forme de dépassement parfois. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors il dit, si une personne va chez eux, chez les dirigeants, et il ne leur clarifie pas, hein, la religion, il ne leur donne pas la nasiha, et il cherche uniquement à être complaisant et à les flatter, et il prend les choses à la légère, hein, eh bien dans ce cas-là, il va être éprouvé dans sa religion. Hein? Donc il dit la signification du hadith, celui qui rentre chez le dirigeant ou qui va chez le dirigeant, il est testé ou il est tenté et éprouvé, eh bien ce n'est pas un blâme absolu. Il dit il faut absolument distinguer et détailler. Ça peut être un blâme et ça peut être parfois même une obligation. Donc ceux parmi les khawarij par exemple qui font le takfir des dirigeants parce qu'ils font des péchés, hein, et qui disent « Ah, les dirigeants sont des koufars ou bien sont des pécheurs, et les ulamas, ils vont les voir, donc ces ulamas-là, c'est pas des ulamas sincères, c'est des hypocrites, ou bien celui qui rentre chez les dirigeants, ils vont être éprouvés dans leur religion ou tentés, donc ces dirigeants-là, ils sont pas bons, donc ces ulamas-là sont pas bons aussi parce que ils vont chez eux. » C'est pas vrai, c'est pas dans le sens absolu. Ça peut être le cas que le dirigeant, hein, il a des péchés ou il a des fautes. Ça veut pas dire qu'on a le droit de le déclarer kafir, parce que le fait de faire un péché, ça ne fait pas sortir nécessairement de l'islam. Ça dépend du degré de ce péché. Est-ce que c'est du kouf majeur? Est-ce que c'est du shirk majeur? Ou est-ce que c'est seulement un péché qu'il a fait parmi les kaba'ir, ou des négligences, ou des choses comme ça? Hein? Donc de faire le takfir, c'est pas la chose facile. Et en plus de ça, hein, la personne en question, si le dirigeant, toi tu y vas pour lui donner la nasiha, en particulier les ulama, parce que en général les dirigeants ils acceptent, ils reçoivent chez eux les savants de l'islam. Hein? Ils reçoivent, même que c'est un honneur pour les dirigeants de pouvoir recevoir les ulama, hein, et même parfois les dirigeants vont eux-mêmes visiter les ulama. Quand ils ont du respect pour la science et pour les ulama, ils vont chez eux, ils vont s'asseoir avec eux, ils aiment leur compagnie, ils aiment leur présence, ils aiment profiter de leur science et de leur piété, hein. Et c'est ça ce qu'on constate de la part des dirigeants qui sont pieux et qui craignent Allah et qui aiment Allah, hein. Et donc si ces ulama vont les voir dans le but de leur donner la nasiha, de leur donner le bon conseil, de leur enseigner la religion, de leur donner des informations importantes pour qu'ils puissent mieux diriger, eh bien ça, dans ce cas-là, au contraire, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que Allah aime, et c'est pas quelque chose qui est un signe d'hypocrisie ou un péché ou quoi que ce soit de ce genre. Donc ça, c'est très important de bien comprendre et de bien distinguer. Et aussi par rapport aux dirigeants, on a déjà parlé de ça, mais c'est connu aussi que selon la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, les musulmans, ils doivent écouter et obéir à leurs dirigeants, même si leur dirigeant, il est par exemple une personne qui fait des péchés ou qui commet des péchés. Tu dois leur obéir dans le bien, hein? Tu dois leur obéir dans le bien tant qu'ils sont musulmans, hein, et être patient et faire des doigts pour eux, pour que Allah les réforme, pour que Allah les améliore, pour qu'ils deviennent des meilleurs musulmans, pour qu'ils puissent justement aider à ce que les musulmans puissent